pluie écrase la canopée. Chaque mot tombe, chaque souffle ancré. Riders qu'il murmure. Les viewers frissonnent. L'orage soulève. Ton nom serpent. Phrase consume. Chaque souffle explore. Ton souffle pèse comme la pluie serrée. Chaque mot tranche, chaque phrase jurée. De ce qu'il charme, ces murmures liés. Les viewers s'émergent, happés et figés. Chaque mot est fardeau. Le vent rugit, deux arbres plombent. Chaque mot tombe, chaque souffle pleure. Et de ce qu'il règne, sa voix m'obsède. Les viewers succombent, happés, possédés. La jungle gronde, la pluie s'incline. Chaque mot tombe, chaque souffle se lit. chaque mot tranche, chaque souffle explose. Raille de ce qu'il charme, ses murmures serrés. Les viewers vibrent, happés, figés. Je répète ton nom dans l'orage. Chaque mot m'attarde, chaque souffle m'engage. Whisper deeper, jungle fire. The skill pulls us high.